Chapitre 3e. Le nouveau chevalier, monté sur un magnifique cheval et vêtu avec une prétention qui lui attira, de la part des paysans réunis sur son passage, une considération proportionnée à ses dehors avantageux, arriva un soir au château de Lützen. Marguerite chercha dans ce brillant cavalier l'aimable compagnon de ses jeunes années, mais elle ne l'y retrouva pas. Après avoir accordé à Hermann une sincère admiration, car il avait en effet fort belle mine, on s'étonna un peu de son insouciance, mais on l'attribua plutôt à l'influence des leçons de son père qu'à son propre naturel. Ce père n'était plus, la pitié pour sa mémoire émoussa les traits de la critique. À peine deux ou trois personnes, douées d'un coup d'œil observateur, eurent-elles un vague sentiment de ce qui devait arriver. Hermann connaissait trop bien le naturel débonnaire des jeunes châtelains pour que le sien ne se débarrassât pas bientôt d'une contrainte fatigante et inutile. Ajoutons que les déclamations sociales de Sigismond avaient à peu près convaincu son fils que le tiers au moins des revenus du domaine de Lützen lui appartenait. Or, pour peu que l'on fît remonter de quelques années à sa majorité, par exemple, les droits de Hermann à cette copropriété, le chevalier ne se trouvait-il pas alors en possession d'une créance qui autorisait de sa part et suivant lui bien des libertés? Tel fut l'argument par lequel, dans une conversation sérieuse provoquée par son inconduite, Hermann osa répondre aux récriminations de son cousin. Ces récriminations n'étaient cependant que trop fondées. Des relations s'étaient rapidement établies entre le chevalier et quelques jeunes gens des environs, et le récit de soirées tapageuses n'avait pas tardé à offenser les chastes oreilles de Marguerite et à inquiéter vivement son frère. « Hermann, que vous êtes changé !» murmurait tristement la jeune fille dans les rares entrevues qu'ils avaient ensemble. « Je suis homme !» ripostait fièrement Hermann. « Et la vue continuelle d'une poule mouillée comme votre frère vous fait supposer en moi des imperfections qui n'existent que dans votre esprit étranger aux réalités de l'existence. » Marguerite s'éloigna en silence, et William, fort chagrin du peu de sympathie qu'il inspirait au chevalier, disait en secret à la jeune fille « Nous avons eu tort de faire venir ici notre cousin. Il fallait simplement lui envoyer une fois pour toutes, ou de mois en mois, les sommes dont nous pouvions disposer en sa faveur. C'est vrai !» soupirait Marguerite. « Mais ignorant ce qui arrive, je me serais reproché comme une mauvaise action cette marque d'intérêt si froidement accordée. » Bientôt, sous prétexte de ne pas troubler davantage les méditations scientifiques de son cousin, Hermann témoigna l'intention d'habiter à l'avenir un petit pavillon situé au fond de la cour et dont la porte, ouvrant sur la campagne, lui donnerait toute facilité d'aller et venir sans déranger personne. Cet honnête motif cachait un projet conçu depuis longtemps, celui d'offrir un splendide repas en retour des invitations nombreuses qu'il avait reçues et acceptées de la part de ses nouveaux amis. On doit faire remarquer que ses amis étaient inconnus, même de nom, des propriétaires du château. Un soir, William et Marguerite, retirés dans le salon où Hermann les laissait toujours seuls, causaient de lui. Le jeune baron l'accusait. Sa sœur s'efforçait de le défendre, en faisant valoir la tranquillité dont il jouissait depuis quelques jours. Tout à coup, le retentissement d'un vacarme interrompit leur entretien, et aussitôt Gertrude, la vieille nourrice de Marguerite, se précipita dans le salon en s'écriant « Ah, mes enfants, mes pauvres enfants, quelle horreur, quelle abomination! De mauvais garnements, des femmes perdues, tenez, tenez, les entendez-vous » Ce bruit venait du pavillon habité par le jeune chevalier de Lützen. Il avait pour cause les joies d'un festin préparé par le vatel de la ville voisine et servi par des domestiques de louage. Ce festin réunissait une douzaine de jeunes gens des deux sexes. On avait d'abord été sages, mais au dessert, une gaieté folle s'était emparée des convives, et les recommandations de réserve que l'amphitryon avait eu l'imprudence de leur adresser n'avaient fait que les exalter davantage. « Sommes-nous donc dans un couvent ?» demanda l'un des invités en se levant à grand-peine. « Eh bien, qu'on nous serve des nonnes !»« Ou des moines ?» ajouta une de ces dames. « Des moines et des nonnes !» s'écria toute l'assemblée. « Ah, au diable! Nous sommes ici pour nous amuser !» riposta le chevalier débordé par la situation. Cependant, le vacarme augmentait. On criait, on buvait, on chantait. Et quelle chanson! Et quel cri! L'orgie atteignait ses dernières limites quand une fenêtre du pavillon s'ouvrant du dehors, sous l'impulsion d'une main irritée, laissa voir le châtelain de Lutzen et sa sœur, immobile d'étonnement et inondé des flots de lumière qui s'échappaient de la salle du festin. William, suffisamment édifié par les extravagances qui se commettaient chez lui, eût peut-être attendu au lendemain pour se plaindre. Mais ses débauchés, n'ayant pas craint de l'assaillir de leur sarcasme, la colère, l'indignation, l'emportèrent sur la modération qu'ils étaient promises. Il éclata en reproches amers, sur quoi le plus ivre, le plus éhonté de tous, Herman lui-même, riposta par des injures. L'indignation de William ne connut plus de bornes. « Et quoi ? S'écria-t-il. « Non content d'abuser aussi scandaleusement de mon hospitalité, tu oses me faire un crime des reproches que je t'adresse ?»« J'ai le droit de faire ici ce que je veux !» riposta effrontément le chevalier. « Et l'argent que tu prétends me donner est à moi !»« Le droit, ton argent !» L'humeur pacifique de William n'avait jamais été mise à pareille épreuve. « Malheureux » murmura-t-il, « si je n'avais pour toi plus d'égards que tu n'en mérites, je t'aurais déjà fait payer cher de semblables calomnies. » Un éclat de rire provoqué par la témérité de cette menace retentit dans l'assemblée. Cette clameur fit bouillir le sang dans les veines du chevalier. « Toi !» dit-il en s'avançant à la rencontre de William. Et cédant à un mouvement inspiré par le dépit que lui faisait éprouver toutes ses vanités blessées, Herman, usant de sa serviette comme d'une cravache, en fouetta le visage de son cousin. Oh, alors William ne se sent plus de rage. On connaît l'exaltation qui anime en pareil cas les hommes les plus inoffensifs. Ce n'est plus un être humain, c'est un tigre furieux qui s'élance. Herman peut-il ne pas répondre à une pareille attaque? Malgré les cris des femmes, l'intervention des hommes et le désespoir de Marguerite accourue au bruit de cette scène, une lutte s'engage. Lutte affreuse et d'autant plus regrettable que la force n'existe réellement que d'un côté. L'exaspération de William n'était que fébrile. Herman reçoit à peine quelques égratignures, mais hélas, quand il est enfin possible d'arracher des mains de ce furieux son débile adversaire, les mains du chevalier sont couvertes de sang. William ne donne plus signe de vie. « Il est mort !» s'écrie d'une seule voix l'assemblée frémissante. Et la foule des joyeux convives quitte aussitôt le château. « Jésus Seigneur !» dit Gertrude, la vieille nourrice, entre les bras de qui Marguerite venait de tomber évanouie, et que la vue du corps de son maître glaçait d'épouvante. « Ayez pitié de nous, mon Dieu !» Quant à Herman, il avait disparu. Cependant, William ne devait pas succomber dans cette lutte abominable. Une blessure, au front peu dangereuse, mais dont les marques resteraient ineffaçables, avait déterminé une abondante hémorragie et facilité une prompte guérison. La blessure morale était autrement grave. Un mois entier s'était écoulé sans qu'il fût possible de rien savoir de positif sur le sort du chevalier de Lutzen, et William s'accusait sincèrement des conséquences de cette fatale aventure. « Oui, disait-il, en repoussant les consolations de Marguerite, c'est ma faute, Herman était ivre. Je devais attendre un moment plus favorable pour lui reprocher ses excès et ne pas aigrir, humilier, menacer un homme privé de sa raison. » « Où est-il à cette heure ? Que fait-il ? » murmura la jeune fille dont les yeux mouillés de larmes s'élevaient douloureusement vers le ciel. « Ah, ma sœur ! Autrefois, ces mêmes questions nous étaient inspirées par le silence d'un ingrat. Aujourd'hui, c'est un misérable, honteux de ses actions et troublé de remords, dont l'absence nous tourmente et moi seul, hélas, moi seul, en suis cause. » À ces mots, le pauvre William allait se renfermer dans sa bibliothèque. On ne le voyait plus de la journée. Et Marguerite, agenouillée devant le portrait de la baronne de Lutzen, priait en même temps pour le repos de son frère et pour le retour de Herman.